Ouais, c'est un rallye que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'était des très bons souvenirs de revenir ici après notre début avec la C2 il y a 2 ans, qui s'était traduit par une victoire et ouais, un super rallye. Donc là aujourd'hui, ça s'est encore très bien passé. On avait une bonne position sur la route, on a réussi à l'exploiter. Bon, maintenant, la suite du rallye va être sûrement plus compliquée. Non, non, je pense qu'on a bien roulé, on avait un bon rythme, mais voilà, le rallye est encore lent et le plus dur reste à faire maintenant. Comme je l'ai dit, ça va sûrement être plus difficile, mais on va essayer de rouler. Et puis, c'est sûr que contenir Seb, ça va sûrement être compliqué, mais derrière, on va essayer en tout cas.